Le monde parle d'histoire des sciences comme si elle existait. Or, je n'en connais pas, je ne connais que des monographies et des associations de monographies à intersection vide. Tel était le caractère de Michel Serres qui éprouvait un plaisir certain avec la malice qui le caractérisait à renverser les catégories, à qualifier les scientifiques d'historiens de son grand récit qui posait les fondements d'une iconographie du savoir. Philosophe, historien des sciences, épistémologue, mais aussi fervent amateur de Jules Verne. Partisan du décloisonnement des sciences, c'est l'histoire de ce rapport aux sciences de Michel Serres que nous allons tâcher aujourd'hui de vous raconter. Michel Serres, penseur de science, c'est l'hommage qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dresser ce portrait de Michel Serres en penseur de science, on verra ce qu'en pensent nos trois invités du jour, ce qu'ils pensent de cette terminologie. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Bancard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice des éditions du Pommier, éditrice de Michel Serres, présidente également du groupe Science pour tous du syndicat national de l'édition. Bonjour, Béatrice Salvia. Bonjour. Vous êtes biologiste, directrice adjointe de la Fondation La Main à la Pâte et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu La Rochelle avec Roland Cher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, ex-directeur du département Sciences et Sociétés à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct, en différé ou en podcast, mais comme toujours, évidemment, en complément de cette émission via notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous allons poster eh bien des liens vers des interviews, des liens vers d'autres émissions, et notamment vers cette émission que nous avions au cours de laquelle nous avions eu la chance de rencontrer, de recevoir Michel Serres. C'était au tout début de la méthode scientifique, le 29 septembre 2016, quand je disais à l'instant qu'il aimait avec malice faire tomber les cloisons, écoutez ce premier extrait de la voix de Michel Serres à propos de ses rapports à la science et à la littérature. C'est une double lutte que j'ai menée toute ma vie. Évidemment, j'étais historien des sciences dans le département d'histoire. Et les historiens se moquaient parfaitement de la discipline parce qu'ils ne connaissaient pas de science. Et d'autre part, ceux qui n'étaient pas scientifiques, c'est-à-dire les littéraires, se moquaient encore plus de l'histoire des sciences. Par conséquent, je me battais du côté des savants en me disant « Est-ce que ça vous intéresse aussi de savoir de l'histoire des sciences ?» Et c'était encore... Et par conséquent, l'histoire des sciences était très isolée, vous savez, très isolée. Alors, c'est une lutte que j'ai menée tout le temps, où j'ai été toujours battu, où c'est toujours difficile. Mais c'est une lutte qui est partielle seulement. En fait, la vraie lutte essentielle, c'est comment se fait-il que dans nos universités, nous divisions de façon majeure les scientifiques d'un côté et les littéraires de l'autre. Cette rupture est encore plus dramatique, parce que cela permet de cultiver d'un côté des savants qui n'ont pas de culture, et de l'autre côté, des cultivés qui n'ont aucune science, vous voyez. Et ça devient dramatique aujourd'hui. Et ça devient dramatique aujourd'hui, pourquoi? Parce que tous les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ou qui sont même dans les médias, sont des gens formés aux sciences humaines, aux humanités, aux sciences humaines. Et comme ils n'ont aucune culture scientifique, ils ne voient pas les appels désespérés que les savants leur envoient. Vous voyez, le cas du réchauffement climatique ou le cas de l'écologie de la planète en est un cas majeur et vraiment gravissime. Or, cette lutte aussi, je l'ai menée il y a déjà 30 ans, quand j'écrivais non seulement le contrat naturel, mais le tiers instruit, pour dire qu'il fallait vraiment, alerte, il fallait former dans l'université des gens qui aient la double culture, pas seulement l'histoire des sciences, mais la double culture. Mais cette affaire-là n'a jamais rien produit. Les gens, et oui, c'est normal que ça produise rien, parce que les gens sont fiers d'être spécialistes et font carrière que s'ils sont spécialistes. Est-ce que, pour pousser un cran plus loin, est-ce que l'apprentissage aujourd'hui des sciences dans des filières très spécialisées, c'est apprendre l'histoire des sciences, c'est aussi réapprendre d'une certaine façon la culture de l'échec, c'est-à-dire dire que la recherche et les découvertes sont des processus continue, oui, et pas une série de disruptions brutales. Oui, est-ce qu'il faut le redire, ça? Est-ce qu'on ne le dit plus assez, peut-être? Non, mais il y a les deux à la fois. C'est-à-dire, je vous raconte une histoire. Un jour, quand j'étais normalien, j'ai dû être bombardé, professeur, dans une taupe, vous voyez, dans une prépa scientifique. Et alors, évidemment, les scientifiques se moquaient du prof de philo. Et ils n'avaient rien. Et je me suis mis à dater le programme de Polytechnique. Et à ce moment-là, ça les a stupéfaits. Je leur dis, ce que vous apprenez là sur les questions coniques, ça date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce que vous apprenez là en calcul différentiel, ça date du 17e siècle. Ils étaient vexés comme des poux. Ils croyaient être tout à fait up-to-date, vous voyez, alors qu'ils étaient tout d'un coup complètement dans l'Antiquité ou l'âge classique, vous voyez. Et tout d'un coup, ça les a complètement réveillés. Et ils se sont aperçus, en effet, qu'en faisant des sciences, ils faisaient à la fois des choses qu'on pouvait dater, exactement comme on pouvait dater les traces, etc. Vous voyez, c'est votre tropisme pour la datation. C'est intéressant de dater le programme de maths des spécialistes de sciences. Ouais. Et ça les réveille, en effet. Ça les réveille. Ils s'aperçoivent que les sciences, c'est une culture et une évolution. Alors, pour répondre à votre question, cette évolution est parfois continue, mais parfois discontinue. Mais il y a les deux schémas, je crois. De temps en temps, c'est continu, pas souvent, mais enfin, ça peut l'être. Et d'autres moments, il y a des coupures complètement avec des changements de point de vue, bien sûr. Comment est-ce que vous expliquez, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, qu'en cette époque qui est la nôtre, qui est une époque extrêmement scientifique, oui, où la science nous entoure de plus en plus, où elle est de plus en plus présente dans notre environnement quotidien, on constate par ailleurs une forme d'ère de la défiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole scientifique, on en a parlé plusieurs fois autour de cette table, est plus démonétisée que jamais, et qu'il y a une défiance plus grande vis-à-vis de la parole et de la recherche scientifique. Comment est-ce que vous l'analysez, Michel Serres ? Alors, la réponse est aussi dans mon livre, c'est-à-dire que je crois que lorsque j'étais jeune et que j'étais moi-même scientifique, puisque j'ai fait des mathématiques et de la physique, il était évident que les sciences étaient toutes bonnes et seules bonnes. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelait le scientisme, si vous voulez, en gros, le résultat moyen de la philosophie des Lumières. Plus il y aura de sciences, plus ils seront heureux. Bon. Et tout d'un coup est arrivé Hiroshima. Hiroshima a été une crise terrible dans la conscience scientifique, de sorte que j'ai connu même des physiciens qui sont devenus biologistes pour éviter précisément le problème que posait la chimie. Et puis, tout d'un coup, ça n'a pas cessé. C'est-à-dire que tout d'un coup, la chimie avec ses vaisseaux a eu les mêmes problèmes. Ensuite, la biologie avec les problèmes ont eu exactement les mêmes problèmes. Donc, tout d'un coup, la science a eu une crise morale, si vous voulez, déontologique. Voilà. Et bien sûr, il a fallu réparer ça. Et je crois que les problèmes dont vous parlez datent de cette époque. Voilà un long extrait qui, comme tous ceux qui vont ponctuer cette émission, de la voix et de l'entretien que j'ai eu la chance d'avoir avec Michel Serres le 29 septembre 2016. Il y a beaucoup de choses dans cette première extrait, mais j'aimerais, sans orienter vos propos, peut-être une première réaction à ce que vous venez d'entendre, Sophie Mancard. Michel a été catalogué comme historien des sciences, et quelque part, il en a toujours souffert. Il pensait que son travail vraiment était un travail de philosophe. Or, il a expliqué plusieurs fois que le philosophe se devait de faire trois tours du monde. Le tour du monde réel du monde, géographique, le tour du monde des hommes, et il a voulu rencontrer tous les hommes les plus divers possibles, et le tour du monde des savoirs. Et pour lui, le savoir littéraire, il parle de Don Quichotte avec un amour immense, mais en même temps, il voulait savoir à la fois des mathématiques, de la physique, et d'ailleurs, avec Béatrice, il s'est lancé dans la biologie assez tard, mais il voulait absolument découvrir la biologie. Et donc, je crois qu'il ne faut jamais considérer seulement ce que dit Michel, ou ce qu'il écrit, sur la seule foi de l'histoire des sciences. Il a vraiment voulu marier tous les savoirs, et je crois qu'il faut le lire dans ce sens. Son approche holistique, hein, à laquelle il était très attaché, en même temps on l'entend, Béatrice Salvia, il le dit, j'ai toujours été battue sur ce terrain-là. Il le dit parce que, comme le rappelle Sophie, il a énormément souffert d'être, on va dire, exclu du département de philosophie de la Sorbonne Paris 1 à l'époque. Il se voyait, lui, philosophe. Il a été deuxième à l'agrégation de philosophie. m'a-t-il dit, parce que son accent ne permettait pas, son accent d'Agen, son accent du sud-ouest, qui est si beau et que nous apprécions tant, ne lui permettait pas d'être utilisé, entre guillemets, sur tout le territoire français. Et donc, pour cette raison-là, on l'avait déclassé, parce que j'imagine bien que son rang dans l'absolu était premier. Et quand Guilhem l'avait rassuré en disant « les meilleurs sont souvent les seconds », puisque lui aussi avait été second à l'agrégation. On reparlera de quand Guilhem et de son lien avec Bachelard. Peut-être une autre réaction, oui, une première réaction, est-ce que vous avez entendu ? Une autre réaction par rapport aux coupures que Michel a citées, par rapport donc à ces coupures qui sont politiques actuellement, avec des hommes politiques qui ne connaissent pas la science, alors que le monde est imprégné de technosciences. Cette coupure, si je remonte le temps, qui a été celle de, du scientisme qui a fait faillite avec Hiroshima et tout ce qu'il a évoqué. Et Michel, donc, dans une conférence récente, c'était déjà il y a 2 ans, des Maisons pour la Science, qui sont des structures originales organisées au sein des universités par la main à la patte, eh bien, avait évoqué les deux époques précédentes, et je pense qu'il faut les rappeler, avec donc la deuxième coupure idéologique, qui était celle de Jean Perrin avec les atomes en 1906, et le congrès Solvay en 1911, avec Poincaré, Einstein, Marie Curie, Max Planck, Dirac et Brillouin sur la même photo. Et cette coupure était une coupure qui était celle des savants, une coupure idéologique dans laquelle on avait à la fois la relativité, la mécanique quantique qui avait surpris les savants eux-mêmes par cette rupture avec le monde, avec le peuple. Et il a été remonté à la première période, celle de Poincaré et de Laplace, où à cette époque-là, on peut dire qu'avec aussi une capacité de vulgarisation de Camille Flammarion, qui était un astronome de bonne qualité, il n'y avait pas encore de rupture entre le monde que voyaient les savants et le monde dans lequel vivait le peuple. Voilà ce que je pouvais ajouter. Tout à fait. Vous faites bien. Roland Cher, pareil, je voudrais votre première réaction à cet extrait que vous venez d'entendre, qui est très riche, et on va revenir sur les différentes parties de cet extrait. Oui, il y a beaucoup de choses. Ce qui me frappe, moi, c'est que la catégorie d'historien des sciences qui lui a été en quelque sorte infligée académiquement ne lui correspondait pas, parce que Michel ne philosophait pas sur la science, mais philosophait avec la science. C'est-à-dire que son souci en permanence a été d'intégrer la culture littéraire et la culture scientifique et les connaissances scientifiques dans le travail philosophique comme des parts entières de l'exercice de la philosophie. Si vous voulez, moi, j'ai été frappé, puisqu'il parle d'Hiroshima à nouveau dans ce passage, j'ai été frappé de voir comment, lorsque il en avait parlé une première fois dans un article qui s'appelait « La Thanatocratie », qui datait de 1960, qui a été publié en 1974 dans l'Hermès III, la traduction, et il disait « Comment se peut-il que les savants aient mis à disposition des hommes politiques de quoi éteindre la vie sur la planète et de quoi mettre fin à l'espèce humaine ?» Et puis, lorsque dans le Contrat naturel, en 90, il a repris ce problème, il a expliqué que l'enjeu n'était ni de critiquer la science, ni de flagorner la science, mais de créer, de travailler et de réélaborer un espace tiers, l'espace de la philosophie, qui puisse saisir en même temps la culture littéraire, l'éthique et le contrat social et la culture scientifique, c'est-à-dire les lois de la nature. Et pour lui, le travail de la philosophie, c'était de réélaborer cet espace tiers à une époque où précisément les traditions positivistes et les traditions scientistes avaient épuisé leurs effets et étaient en échec. Et c'est ce travail de philosophe qui pour moi était une sorte de jubilation, parce que suivre un cours de Michel Serres, c'était être ébloui par le plaisir de penser en s'alimentant à la fois de ces questions scientifiques et des questions qui touchent aux sciences de l'homme. et de penser effectivement des passerelles, et pas uniquement des passerelles entre les disciplines, mais des passerelles aussi entre les citoyens et la science, puisque pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Béatrice Salvia, quand il parle, on l'entendait dans l'extrait, de la rupture idéologique suite à Hiroshima et à cette thanatocratie qu'évoquait à l'instant Roland Cher, mais avant ça, les deux autres ruptures dont il est question, c'est la première rupture, celle de Poincaré, Einstein, Curie, Dirac, Planck, c'est la rupture de la compréhension, c'est-à-dire ce moment où la science devient inaccessible au grand public parce que tellement complexe, parce que la mécanique quantique étant tellement abstraite, elle échappe finalement à la connaissance du citoyen, Béatrice Salvia. Je dois dire que Michel a toujours allié la théorie et la plus grande pratique, peut-être aussi parce qu'il le rappelait, son père était dragueur, il avait une connaissance de la réalité matérielle du monde. Et il a toujours voulu s'impliquer concrètement et de manière très discrète et modeste dans des actions de terrain. Il visitait des classes avec nous, il a accompagné La Main à la Pâte, la fondation, à partir de 2012, mais bien avant déjà, pour permettre à des enseignants de l'école primaire et du collège d'enseigner mieux les sciences. Et au-delà du lien privilégié qui l'unissait à Pierre Lénard, le cofondateur avec Georges Charpak de la fondation La Main à la Pâte, enfin plutôt de la dynamique La Main à la Pâte. On va le rappeler pour les auditeurs, c'est une fondation qui a pour objectif d'enseigner, de transmettre l'enseignement scientifique auprès des classes plutôt jeunes. Auprès des professeurs des élèves jeunes. Et cette volonté justement de diffuser la connaissance scientifique a toujours été au cœur de son action, non seulement de son œuvre littéraire, mais aussi de sa pratique. Et il était donc très proche des membres de l'Académie des sciences. Il a été très heureux lorsque Jules Hoffmann a été élu à l'Académie française. Il échangeait avec les scientifiques énormément au quotidien. Chaque mardi ou jeudi, on le voyait à l'Académie des sciences où j'ai exercé une fonction de chargée de mission. Et je dois dire qu'il a toujours été un compagnon de route et un soutien de nos actions, en apportant sa force de conviction, sa notoriété, mais toujours avec une grande générosité, une grande modestie. Et pour cela, on doit le remercier, parce que aussi sa créativité nous était précieuse et nous a permis de créer justement des sortes de tiers-lieux dans les universités. Pour l'instant, il y en a 10 qui ont été créés, et la 10e est en Guyane, où les professeurs peuvent rencontrer des gens qui font la science, dont le métier est de faire la science. Et ce cloisonnement de société, Michel a contribué à l'abolir, de même qu'il abolissait les frontières entre les disciplines, puisque notre interdisciplinarité est aussi au cœur des actions que nous menons. Jules Lefebvre, président d'un prix Nobel de médecine et de physiologie française. Peut-être, Sophie Bancard, un mot sur ce qu'on pourrait peut-être évoquer, je le soumets à votre approbation ou à votre réprobation, le paradoxe, Michel Serres, cette volonté de transversalité, de transdisciplinarité, qui de fait l'a privé d'un statut qui soit un statut identifié clairement et en même temps qui l'a rendu extrêmement proche du public. Il était philosophe, historien des sciences, épistémologue, il était tout ça à la fois. Et en même temps, quand on est tout, on n'est jamais rien vraiment. Est-ce que c'était quelque chose dont il souffrait, vous pensez ? Oui, il en a toujours souffert, c'est évident. Mais en même temps, il disait que c'était sa liberté, que c'était grâce au fait qu'il n'était pas rentré dans les circuits les plus traditionnels qu'il avait pu justement accomplir le travail qu'il a accompli. Moi, je voudrais revenir sur un point que vous évoquiez. Parce que quand il parlait des sciences ces dernières années, il y avait deux idées qui remontaient, à mon avis, et qui sont très intéressantes. L'une concernait l'évolution de la recherche scientifique, et pour lui, on était en train de changer complètement de modèle, et on était en train de passer à un modèle où, grâce aux outils notamment numériques et informatiques, on réussit à modéliser la nature, et du coup à approcher cette nature d'une façon différente que par des grands principes. Il disait que d'une part c'était passionnant, il adorait ces idées-là, mais d'autre part que ça allait changer complètement notre façon même de penser. Et du coup, c'est la deuxième chose que je voulais dire, il disait aussi beaucoup que on avait vécu tout des siècles de prédominance de l'analyse, et que aujourd'hui, à son sens, il fallait reprendre une synthèse. Et au fond, ce qu'il a essayé de faire au travers de son œuvre, c'est une synthèse. Roland Cher, sur ce point-là, sur le distinguo, le changement paradigmatique entre l'analyse et la nécessité au XXIe siècle d'effectuer une synthèse. Oui, je crois que c'est le cerf voyageur, parce que moi j'ai toujours eu ce sentiment qu'il voulait incarner l'hybridation des connaissances et la circulation, les passages et les carrefours, et non pas parce pour le plaisir du mélange, mais parce que véritablement il pensait que c'était de là que pouvait être régénérée la connaissance. Et aujourd'hui, dans la conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, il disait qu'il fallait véritablement repenser cette relation entre le sujet et l'objet. En particulier, vous le savez, le contrat naturel explique que dans la globalisation, le vieux rapport entre un sujet qui connaît, qui maîtrise, qui domine, et un objet qui est face à lui, qui est en face de lui, qui est jeté en face de lui, ne va plus. Nous sommes à la fois dans l'objet, nous sommes pris dans la nature, nous sommes dépendants de ce qui dépend de nous, et par conséquent, il faut complètement repenser cette globalité dont nous sommes, dont nous devrions être des membres plutôt que des maîtres ou des dominateurs. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, émission hommage aujourd'hui à Michel Serre qui nous a quitté ce week-end en compagnie de Sophie Bancard, Béatrice Salvia et Roland Cher. On l'a entendu tout à l'heure dans le premier extrait que nous avons diffusé. Le point de départ de la carrière intellectuelle de Michel Serre, ce sont les mathématiques. Son premier ouvrage publié en 1968, c'est le système de Leibniz et ses modèles mathématiques. Déjà à mi-chemin entre sciences dites dures et sciences humaines, Roland Cher, la pensée de Leibniz, c'est le point de départ, cette espèce de volonté, encore une fois, d'approche holistique du monde entre les mathématiques qui sont un langage qui permettent de le décrire et en même temps une pensée générale qui permette de penser le monde, de le philosopher. Oui, sans doute, Leibniz a été le point de passage obligé. Mais j'ai un souvenir à raconter, puisque j'ai été son étudiant, j'ai eu la chance de l'avoir comme prof au début des années 70, et il nous a fait un cours sur la géométrie, sur les origines de la géométrie, qui anticipait l'ouvrage sur les origines de la géométrie qu'il allait publier dans les années 90. Il parlait de la géométrie de Platon et il nous expliquait comment, pour les pythagoriciens, le nombre est un rapport. Ce rapport que les Grecs appelaient logos et que les Romains ou les Latins appelaient ratio. Et il nous parlait du théorème de Thalès en montrant qu'au fond, quand deux triangles sont semblables, on en déduit l'impossibilité d'égalité entre des rapports. Analogie. Et je pense que la pensée de Michel Serre est avant tout une pensée analogique. C'est-à-dire que il y a, lorsqu'on regarde d'un côté des relations, et lorsqu'on les regarde bien, il peut y avoir d'un autre côté, dans un autre domaine, dans une autre sphère de la réalité, des relations qui sont homologues, analogues, égalité de relations, similitudes, qui permet de passer d'un champ à l'autre. Ce qu'a fait Leibniz, évidemment, par excellence, cet encyclopédiste du début du XVIIIe siècle, et ce qu'ont fait les encyclopédistes après lui. Sophie Bancard, dans ses premières années, dans quel univers intellectuel évolue Michel Serre? Comment est-ce que, justement, se structure cette pensée, cette conception holistique du monde et des sciences qui va devenir la sienne? Alors, dans ses premières années, en fait, il était quand même encore professeur de philosophie. Donc, il était à Clermont-Ferrand, où il a quand même enseigné pas mal d'années, en philosophie. Donc, il avait cette reconnaissance qui, petite, parce que il n'était pas très célèbre, mais qui lui permettait de se présenter en tant que tel. Il a côtoyer tous les philosophes de son temps. Et je crois que tout le monde a très très vite repéré que cet homme avait quand même des talents assez singuliers et qu'il avait en plus de ça une vraie parole, une vraie pensée et en même temps une écriture. Une petite anecdote, c'est que j'ai retrouvé, il les avait soigneusement gardés, donc il me les a montrés, donc je les ai regardés, les cahiers qu'il a écrits pendant 20 ans avant de publier son premier livre. Ces cahiers sont magnifiquement calligraphiés, avec sommaire, avec date, avec référence. Et on voit le travail préparatoire d'un esprit qui est en train de se former et qui ne s'autorise, et d'ailleurs c'est très amusant parce que la dernière page du dernier cahier, tout d'un coup c'est écrit en rouge et de travers, ce qui n'est pas du tout le reste, du tout, en disant ça y est, je sors de l'adolescence, maintenant je vais écrire des livres et des articles. Et je crois vraiment qu'on ressent dans toute son œuvre, et pas seulement dans les premiers travaux, contrairement à ce que certains peuvent dire, on ressent vraiment l'énormité du travail qui préparatoire. Et au fond, lui, il a eu envie d'explorer, dans un premier temps, ce champ, comme le décrit Roland, avec ce personnage extraordinaire de Leibniz. Mais il a quand même travaillé sur Auguste Comte. Il a énormément, qui a été très important, qu'il a travaillé, qu'il a complété, qu'il a réfuté, en quelque sorte. Et dont à la fin, il disait que finalement, il préférait encore ce que les autres ont décrié, à savoir sa fin, qui est tellement mal vue de beaucoup d'historiens des sciences et que Michel trouvait très intéressante. La fin, donc, sur la religion. Le déterministe. Oui. Et donc, en fait, il était incroyablement libre dès le début. Et il a essayé de parcourir tous ces univers petit à petit, de tous les gens qui lui paraissaient. Il a adoré Poincaré, évidemment. Il a beaucoup travaillé sur Poincaré. Il a vraiment essayé de comprendre ce qui se passait. Et à partir de là, petit à petit, il a construit cette pensée extrêmement libre. Roland Cher, peut-être un mot pour rester sur ses débuts et sur la structure mathématique. Quand on commence, quand on étudie les mathématiques, on a tendance à penser que ça configure d'une certaine manière l'articulation de la pensée, mais c'est déjà chez Michel Serres des mathématiques un peu particulières, puisque son diplôme d'études supérieures au sujet des structures algébriques et topologiques, c'est avec Gaston Bachelard qui va le faire. Oui, il s'est très vite embarqué dans les mathématiques les plus actuelles, les plus contemporaines, même si le calcul différentiel et le calcul infinitésimal étaient au centre de sa thèse. Mais il a en particulier utilisé la topologie, je crois précisément parce que cette question de la structuration de l'espace était pour lui essentielle. Et il a apporté, je dirais, un regard de mathématiques très contemporaine dans l'ensemble de son travail philosophique. Et ça a été extrêmement précieux. Béatrice Salvia, excusez-moi. Un mot également, parce que donc il y a Bachelard qui est là dès le départ dans sa formation aux mathématiques. Et puis lorsqu'il arrive à Paris, il y a un autre nom quand il va d'abord à Blaise Pascal qu'il va fréquenter, c'est Michel Foucault, et avec qui finalement on voit bien que je ne sais pas qui veut m'en parler d'ailleurs. C'est vrai que je me dirige vers vous, Béatrice Salvia, mais peut-être Sophie Bancard ou Roland Cher. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que on est dans les années 60, Michel Foucault va être une pensée, une figure très très importante de la nouvelle école philosophique française. Or, Michel Serres se construit pas en opposition à Foucault, mais en tout cas choisit un chemin différent. Qui veut répondre, Sophie Bancard? Je pense que Roland est le plus à même. Roland Cher. Non, je dois. On ne peut pas ne pas évoquer la question du Collège de France, parce que bien c'est sûr. Vrai que Michel a été au fond, il pensait que l'extraordinaire liberté que donne une chaire au Collège de France était, en quelque sorte, lui était dû, c'est pas du tout par vanité, pour orgueil, il pensait ça, mais qu'en réalité, c'était dans ce type d'enseignement qui ouvre, qui au fond, qui permet au professeur de définir lui-même le titre de sa chaire, ce qui est le rêve de tout professeur. Et du coup, je pense que le choix américain ensuite a été une espèce d'alternative au Collège de France. Alors, non pas qu'il en veuille à Michel Foucault, non pas que la cooptation de Michel Foucault ait été peut-être un peu quand même. Ça a été sans doute une petite douleur pour lui. Oui, il faut le dire. Mais il n'y a pas eu que Michel Foucault qui se soit opposé à ce qu'il soit élu au Collège de France quand même. Il y a eu d'autres personnes. Je crois qu'il y avait même un consensus contre lui assez clairement, parce qu'en fait, il représentait tout ce que l'université ne veut pas, c'est-à-dire cette liberté, assez rapidement aussi cette espèce de désir de parler de façon claire et compréhensible par tous, ce refus de travailler uniquement sur l'œuvre de Calvin. Il l'a fait Leibniz, il a fait Auguste Comte, mais au-delà, il concevait son propre univers et il avait envie de réfléchir le monde d'aujourd'hui en train de se faire, et il voulait pas passer son temps à décrypter la pensée des autres. Et je crois que c'était difficile à accepter. Béatrice Salvia. Je partage tout à fait le point de vue de Sophie. Et donc moi, j'ai connu Michel depuis seulement une douzaine d'années, donc je n'ai pas tout ce recul historique, mais souvent il m'a dit son regret de ne pas avoir été accepté dans cette communauté, et en même temps il en retirait une certaine satisfaction, puisque ça lui permettait aussi d'être l'électron libre, la personne à la pensée libre, et d'envisager des perspectives autres, parce que en effet il savait faire tout ce que on demande à un universitaire classique, et il voulait aller au-delà. Je pourrais presque le comparer à Picasso, qui au début était extrêmement capable de reproduire ses anciens, et puis ensuite à accéder à sa propre liberté, à sa propre à son propre art, parce qu'on peut dire que Michel est vraiment un artiste. Mais il a compris, je crois, à la fin de sa vie, que justement cette espèce de position singulière et retirée et à côté de tout ce qui est institutionnel lui donnait cette liberté. Il a compris, oui. L'a accepté, et il ne le vivait pas aussi mal à la fin de sa vie que. Et puis le fait qu'il était accepté à l'Académie française, c'est aussi vrai. Un petit peu penser ses plaies. Roland Cher. Oui, vous savez, au moment du Leibniz, au moment en 68, il y a eu un moment où la critique un peu superficielle l'a rangé, parce qu'il parlait de structure lui aussi, l'a rangé dans le structuralisme. Mmh. Et puis je crois qu'assez vite, Michel était tellement épris de l'invention que l'usage critique du structuralisme lui a paru appauvrissant. À tort ou à raison, mais voilà, je crois qu'il s'en est dépris, et en tout cas il a cherché à se déprendre de cette étiquette assez vite, parce que l'invention, et en particulier l'invention en philosophie, la nécessité de penser à nouveaux frais, et de penser en nouveaux termes, était beaucoup plus importante pour lui que cet usage critique que nous faisions à l'époque des approches structurales. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on y. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Immortel d'Alain Bashung à 16h35 sur France Culture. Nous rendons hommage au cours de cette heure à Michel Serres qui nous a malheureusement quitté le week-end dernier. Nous essayons bien de retracer sa carrière et notamment ses apports en matière d'épistémologie, d'histoire des sciences, mais aussi on l'entend bien quand on parle de la carrière de Michel Serres, eh bien on ne se limite pas à l'un de ses champs, on traverse tous les champs parce que l'interdisciplinarité, eh bien c'était sa marque de fabrique, la structure de sa pensée, de sa vision, de son acception du monde. Nous en parlons avec Sophie Bancard, qui est fondatrice des éditions du Pommier, éditrice donc de Michel Serres et présidente du groupe Sciences pour tous du syndicat national de l'édition. Nous en parlons également avec Béatrice Salvia, qui est biologiste, directrice adjointe de la fondation La Main à la Pâte, et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu La Rochelle avec Roland Cher, qui est philosophe et ex-directeur du département Sciences et Société à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avions eu la chance de recevoir Michel Serres au tout début donc de la méthode scientifique, le 29 septembre 2016, nous vous proposons de réécouter sa voix, des extraits de cette émission. Tout à l'heure, nous entendions le pont qu'il voulait établir entre les humanités et les sciences dites dures. Aujourd'hui, on continue à explorer ce rapport entre le dur et le mou. Vous allez voir, c'est toujours assez malicieux dans la voix de Michel Serres. Alors évidemment, les historiens aiment beaucoup le dur, c'est-à-dire ils aiment beaucoup la révolution industrielle, ils aiment beaucoup parce que c'est technique, ils aiment beaucoup la pierre taillée, parce que c'est des techniques. Les âges géologiques. Oui, mais vous comprenez, dès le moment où on évoque des révolutions comme l'invention de l'écriture, alors ça, c'est une invention telle qu'elle a bouleversé complètement la société, alors que les inventions techniques bouleversent des petit cas de la société, contrairement à ce que dit Godelier, vous voyez. Tandis que l'invention d'écriture a bouleversé à la fois la pédagogie, comme je l'ai dit, le droit d'Amourabi a été écrit tout d'un coup, ensuite la politique, il y a eu des scribes, etc. Et tout d'un coup, les sciences et les mathématiques sont arrivées, et on a inventé l'écriture sainte, c'est-à-dire la religion, vous voyez. Et par conséquent, là, les révolutions douces sont beaucoup plus importantes et décisives pour l'évolution de la société que les évolutions techniques. Alors, qu'est-ce que vous appelez les révolutions douces, Michel Serres? Alors, il y en a au moins trois, que je sache, et je le dis dans le livre, évidemment. Il y a la révolution de l'invention de l'écriture. Alors, elle est si importante qu'elle détermine le début de l'histoire, tout simplement, puisque c'est la décision. Ensuite, l'invention de l'imprimerie, qui a changé complètement notre rapport au savoir, donc notre rapport global à la culture, donc à l'enseignement, donc à la religion, et ainsi de suite. Vous voyez, la société en était complètement... Et aujourd'hui, de nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, d'ailleurs, nous voyons bien aujourd'hui que toutes les institutions que nous connaissons sont en crise. Et elles sont en crise pourquoi? Parce qu'il y a une évolution complète qui est faite à partir de ce doux. Alors, j'appelle le doux, vous voyez, par exemple, qu'est-ce que c'est avant l'écriture, nous ne correspondions que par l'oral. Alors, le support, c'était le corps, et l'oral, c'était les ondes sonores que je produis et que vous entendez par votre système auditif. Donc, le couple support-message, c'est le corps et ces ondes-là. Mais au moment où on invente l'écriture, le support-message change complètement. Le support devient le papier. Ou le parchemin, ou etc. Et le message devient l'écriture. Vous voyez, à l'imprimer, ça change de nouveau, et maintenant, ça change de nouveau. C'est donc des révolutions sur le couple support-message. Et ces révolutions sont 10 fois plus importantes que la révolution technique dure dont parle Godelier. Bien entendu, je crois que la révolution industrielle a été très importante, mais la vraie révolution, c'est la révolution de la thermodynamique. Bien entendu, c'est la science qui détermine ça. Parce que ça, elle donne des productions infiniment diverses à la technique elle-même. Oui. Donc je crois que Godelier me ferait rire plutôt maintenant. Voilà. Et j'ai une question à vous poser pour prendre un peu de champ par rapport à tout ça, et justement par rapport à l'évolution de cette révolution douce des nouvelles technologies, et puis plus généralement par rapport à l'extrême spécialisation. Pour ça que le temps actuel, l'âge doux. Mmh. Et ça, tout le monde. On revient à votre optimisme, Michel Serres. Oui. Est-ce que vous diriez qu'avec l'extrême spécialisation qu'ont connue les sciences depuis la deuxième moitié du XXe siècle, disons, je pense à la la physique des particules, oui, l'astrophysique, la physique quantifique, etc. Bref, à tous ces champs scientifiques très très spécialisés qui élaborent des conceptions paradigmatiques de l'univers très pointues, très différentielles. Le travail de l'historien des sciences a-t-il changé, ou de l'épistémologue a-t-il changé? Quel est le lien que peuvent avoir aujourd'hui un historien des sciences, un épistémologue, avec ces différents champs scientifiques qui deviennent de plus en plus pointus? Alors, Michel Serres. Précisément, mon livre répond à cette question. C'est-à-dire, il est vrai, et vous avez raison de le dire, que si on est historien des sciences, on va devenir aussi spécialiste que les savants. C'est-à-dire, on va être historien de la microbiologie, ou on va être historien de la physique des particules, etc. Et donc, on risque de se trouver aussi spécialisé, etc. Donc, il est vrai que faire une histoire des sciences globales, déjà, c'est un peu difficile, parce qu'il faut prendre un recul, et il faut connaître un peu de tout. Mais ça, en gros, c'est moins difficile que l'on croit, dans la mesure où ça s'est toujours passé ainsi. C'est-à-dire, je crois qu'à l'époque d'Aristote, c'était difficile de maîtriser la totalité du savoir. À l'époque de Leibniz également, à l'époque de Hegel encore plus. Mais ça n'empêche pas que ces historiens-là, ou c'est plutôt ces philosophes-là, ont tenté le coup de la globalisation, bien entendu. Bon, ça c'est en effet l'idée, disons, un peu banale sur la question. Mais ce pourquoi j'ai fait mon livre, c'est pour dire que j'avais une autre conception de l'histoire des sciences. Que l'histoire des sciences, pour moi, n'était plus tellement le développement de telle ou telle discipline dans le temps, mais de dire au contraire que l'ensemble des sciences avait une histoire et que l'histoire rentrait dans l'ensemble des sciences. Mmh. Voilà. Alors, c'est pas de l'histoire des sciences, c'est de l'histoire de l'univers, c'est l'histoire des êtres vivants, c'est l'histoire de ce que vous voudrez, de nos conditions d'existence, mais les sciences ont partie prenante avec l'histoire. Et donc, en prenant du recul, tout d'un coup, on change complètement de paradigme. Il ne s'agit pas d'histoire des sciences complètement, il s'agit de l'affirmation ou de l'évidence que les sciences ont rentré dans l'histoire et que l'histoire est rentrée dans les sciences. Michel Serres, donc, au micro de la méthode scientifique au mois de septembre 2016. Commentaire libre sur cet extrait, Sophie Bancard. Alors déjà, ça redit beaucoup de choses de ce que nous avons dit tout à l'heure, effectivement. On aime bien la malice quand même de dire que les historiens aiment le dur, alors que l'opposition classique entre sciences dures et sciences molles, c'est évidemment, on reconnaît toute la malice de Michel Serres dans cette terminologie. Oui, tout à fait. Mais je dirais que il a, depuis Petite Poussette, qui est paru un tout petit peu avant, et dans lequel il avait célébré la capacité de la société actuelle, comme de celle d'avant, comme il le dit, d'évoluer et d'évoluer de façon positive et pas uniquement négative. Il a beaucoup parlé de l'importance de ces grands changements, l'écriture, l'impression, etc. Et à quel point ça changeait complètement la société. Il racontait d'ailleurs à cette occasion une très jolie anecdote que j'aime beaucoup, qui est l'histoire des op et de la langue. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On va vous la laisser raconter, voilà. On a envie de la connaître. Voilà, donc en fait, Ésope était esclave et il était cuisinier. Et son maître un jour lui demande de lui préparer le meilleur des plats. Et il lui fait de la langue. Et le lendemain, Ésope, le maître d'Ésope lui demande de faire quelque chose de très très mauvais parce qu'il reçoit des gens qu'il déteste. Et Ésope fait de la langue. Et le maître veut le battre. Et Ésope dit, mais non, la langue est la pire et la meilleure des choses. Et je trouve que c'est très très très très clair par rapport à ce qu'est ce que sont les moyens de diffusion, les moyens d'expression, comme l'écriture ou comme les nouvelles technologies. Et Michel disait ça dans Petite Poussette et dans d'autres livres après. Il a vraiment dit ça, c'est-à-dire qu'au fond, il ne faut pas s'inquiéter de cette évolution. Il faut l'accompagner, il faut la réfléchir, mais je dirais qu'il a quand même, à un moment donné, commencé à s'inquiéter un peu plus. Et son sujet d'inquiétude était double. Il était d'une part, par rapport aux réseaux divers et variés, l'utilisation incontrôlée du rire doux et du rire dur, comme il le dit. Alors on revient au dans son dernier livre, il en parle. À savoir que les gens ont peut-être perdu la notion du danger d'utiliser le rire et la moquerie, et du coup, amplifié par ces réseaux, ça peut prendre une importance extrêmement grande. Mais le plus important dans ce qu'il disait, c'était que la société actuelle, c'était l'envers du décor par rapport à ces réseaux, avait tendance à perdre la confiance dans les experts. Et ça l'inquiétait beaucoup. C'est-à-dire que nous vivons une période où finalement l'émotion est quand même vraiment reine, et où l'expert, alors effectivement, bien sûr, parce que, comme il le disait aussi, la science qui était toute bonne est devenue, et seule bonne, est devenue dangereuse, inquiétante, etc. mauvaise, etc. Mais en même temps, il disait, attention, il faut faire le constat que seule la science apporte des réponses. Seule la science fait évoluer la société. Roland Cher, votre réaction également à cet extrait. Oui, je crois que, d'une part, il faut évoquer les grands récits, c'est-à-dire que Michel Serres a effectivement inséré la science dans le grand récit, dans le grand récit de l'univers, dans le grand récit du vivant et dans le grand récit des cultures. On va l'entendre dans un instant. Et trois récits qui s'emboîtent les uns dans les autres, mais qu'il a cessé, je crois, de considérer comme des récits d'une évolution continue. D'une part, ce qu'il passionnait toujours, c'était les bifurcations. Et puis ensuite, je crois qu'il a été, je parlais de thanatocratie et du contrat naturel, je crois qu'il a été conscient que nous sommes face à une situation nouvelle, une situation radicalement nouvelle, qui oblige à repenser ce rapport entre la science, la technique et la nature. Et cette situation nouvelle nous met en face d'obligations qui sont parfaitement inédite. Et je crois que on l'a vu comme un indécrottable optimiste ces dernières années, mais je crois qu'il était très conscient que nous étions devant des risques majeurs et devant la possibilité d'une nouvelle extinction qui dépendrait en partie de nous, et par conséquent devant une nécessité de refonder la question de la responsabilité, la question de l'éthique et la question du droit. Par exemple, lorsqu'il dit « le monde doit-il devenir un sujet de droit ?», c'est une question qui, il y a 30 ans, a déclenché des foudres et a fait scandale, qui aujourd'hui, lorsque des associations disent qu'elles ont obtenu le droit d'ester en justice pour défendre la protection du lac Errier, est devenue une réalité. Donc nous sommes en train de basculer dans une nouvelle expansion du sujet de droit. Les esclaves n'avaient pas de droit, les femmes n'avaient pas de droit, les enfants n'avaient pas de droit, les choses n'avaient pas de droit. Peut-être sommes-nous en train de passer à une nouvelle, dans un nouveau stade de la définition du sujet de droit, parfaitement inédite et parfaitement nouveau. Et je pense que Michel Serres avait cette capacité d'anticipation qu'il avait déjà manifestée en Hermès à propos des nouvelles technologies. La nature a des droits. Béatrice Salvia. Il disait aussi que tout progrès se paye et tout progrès nécessairement des conséquences coûteuses, et je crois que vers la fin de sa vie, il en était vraiment conscient, il le répétait souvent. Je dois dire que, toujours pour dire aussi son rôle dans l'éducation et les nouveaux défis de l'éducation, le rôle important qu'il a joué, j'ai eu la chance d'assister à la séance solennelle du 1er mars 2011 qui était consacrée à un hommage rendu à Georges Charpak, prix Nobel de physique et fondateur de la main à la pâte. Et à cette occasion, Michel a prononcé son premier discours qu'il a intitulé « Petite poussette » et qui ensuite a donné naissance au livre que l'on connaît. Ce livre que nous connaissons. Et je dois dire que sur les réseaux sociaux, je suis allée en Inde peu après, le texte avait vraiment convaincu et séduit. Alors, on va dire dans la séduction, mais c'est parce que sa profondeur, en fait, était accessible à tout le monde. Et je pense que là aussi, il est toujours question du dur et du doux. C'était un couple, une relation que Michel évoquait sans cesse dans sa vie et aussi dans ses actes. Voilà. Sa profondeur était accessible à tout le monde. Je pense que c'est un bon résumé de l'ensemble de l'œuvre de Michel Serre. Dernier extrait, puisque le temps file et on aimerait réentendre aussi, puisque vous l'évoquiez à l'instant, Roland Cher, cette conception du grand récit. Hein, au moment où nous le recevions en septembre 2016, il venait de publier Darwin, Bonaparte et le Samaritain, une philosophie de l'histoire, qui est aux éditions donc du Pommier, évidemment. Et ouvrage dans lequel il faisait une fois de plus la jonction entre le métier d'historien, celui de scientifique. Écoutez, comment il définit ce grand récit ? Ce qui est intéressant dans ce rapport qu'entretiennent la science et l'histoire, c'est que la science, ce sont donc ces langages qui nous permettent de décrypter les traces, les signes qui écrivent ce grand récit qui remonte juste au Big Bang. Mais ça n'est pas qu'une sémantique scientifique. Bien sûr. C'est aussi dans cette interpénétration que vous décrivez, quand vous dites les sciences ensemble entrent dans l'histoire et par pénétration réciproque, l'histoire entre dans les sciences, c'est que les savants deviennent en fait les historiens de votre grand récit. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai dit à mes collègues de l'Académie des sciences, vous m'avez appris une seule chose, c'est de dater vos objets, en effet, je les ai traités d'historiens. D'ailleurs, d'une certaine manière, les savants sont à la fois des gens qui expliquent les phénomènes, qui trouvent les lois des phénomènes, mais dès le moment où ils datent, ils deviennent les historiens de leurs propres objets, vous voyez. Et là, c'est très intéressant de voir une sorte de basculement de leur discipline. Vous voyez la malice à laquelle je faisais référence au tout début. Il y a une petite malice, même dans votre œil, à cet instant présent, Michel Serre. C'est assez iconoclaste de transformer des scientifiques en historiens, non ? Non, pas du tout. C'est un peu iconoclaste. Je ne cherche pas à être iconoclaste, vous savez. Mais simplement de dire qu'à un certain moment, il y a eu une transformation complète de nos activités. Ce que vous nous dites tout de même, c'est que ce sont les sciences, finalement, qui nous racontent la plupart, sinon l'intégralité de ce grand récit, l'intégralité de cette histoire de tout le vivant et de tout, enfin ce que vous appelez les vifs et le non-vif. Je ne crois pas qu'on puisse dire l'intégralité tout de suite, parce qu'il faut quand même laisser le temps au temps, c'est-à-dire que la science va évoluer, elle va dire certainement 1000 choses supplémentaires ou d'autres choses, ou même nier ce qui a été dit, donc ce grand récit est sujet à transformation, forcément. Et c'est ça, justement, l'histoire. À mesure qu'on avance dans l'histoire, on sait mieux lire la Révolution française, ou on sait mieux lire le règne de Louis XIV, etc. Donc on sait de mieux en mieux lire les événements de l'univers. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce cheminement... On discutera sur le Big Bang, on discutera sur l'arrivée des bonnes cellulaires, etc., en lisant mieux que nous lisons aujourd'hui. Donc c'est pas fini, on peut pas dire l'intégralité, vous voyez, on peut dire c'est ouvert. Vous le spécifiez bien, ce récit n'est pas achevé, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce cheminement, ça vous amène, Michel Serre, à l'idée, finalement, alors je m'avance peut-être un peu, mais c'est vous qui allez me contredire, d'une science universelle, on est presque à la théorie du tout, avec ce que vous appelez l'iconographie. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, voilà, au XVIIe siècle, il y avait une théorie très intéressante. Je rentre dans le studio et du point de vue de la porte du studio, je vous vois. Et je vous vois de profil ainsi que Céline, je la vois de dos. Puis je me déplace et puis je vois Céline de face et vous de profil, etc. Donc à chaque moment de mon déplacement dans le studio, je vais vous voir tous les deux différemment. Et ça, on appelle ça la scénographie. C'est-à-dire les profils successifs que je peux avoir de la personne de Céline ou de votre personne à vous. Bon. Et alors, à un certain moment, un philosophe qui s'appelle Leibniz a dit « Ah oui, mais ça, il est vrai que quand on est un homme, on a un point de vue. On est là et on ne peut voir de Céline que la face ou le profil. Mais est-ce que je pourrais voir la totalité des profils de Céline, la totalité de vos profils à vous ?» Et alors, c'est difficile. Leibniz appelle le géométral, vous voyez, c'est-à-dire l'ensemble des profils. Mais qui peut le voir ? Oh ben Dieu. Dieu peut le voir puisqu'il est partout. Il est ubiquiste, il est dans tous les points du monde. Donc il peut le voir. Et il appelle ça quelquefois ou le géométral ou l'ichnographie. Voilà, ça veut dire la lecture de toutes les traces possibles. Ignos, c'est la trace de pas. Voilà. la lecture de toutes les traces. Et on n'est pas loin de... Ça nous conduit doucement sur les voies du déterminisme de Laplace, après Michel Serres. Ah ben voilà, et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix, bien entendu. C'est-à-dire que le déterminisme de Laplace, c'est la manière dont on voyait le monde, disons, à la fin du 18e, juste dans le pan entre le 18e et le 19e siècle. C'est d'ailleurs très intéressant de voir ça au point de vue de l'histoire des sciences. Vous le savez, entre le 18e et le 19e, Laplace fait une théorie, si vous voulez, une mécanique céleste. Et là, il démontre que le système solaire est stable. Et donc, on peut y aller pour le déterminisme, il n'y a pas de doute. Bon. Et lorsque le 19e se termine et que le 20e commence, juste à ces dates-là, Poincaré recommence. Il fait une nouvelle mécanique céleste et il démontre que le système solaire n'est pas stable. Et c'est là, tout d'un coup, que tout change et que le déterminisme commence à devenir du contingent. Et déjà là, dès le moment où le déterminisme devient du contingent, on sent que la science rentre dans l'histoire. Vous voyez ? Voilà. Roland Cher, commentaire de texte. Comme oui, le déterministe rentre dans le contingent, on sent que la science rentre dans l'histoire. C'est merveilleux. Je sais pas, moi, j'ai pas grand chose à ajouter. Cette éloge de la contingence, cette découverte de la contingence et du coup de l'historicité, c'est-à-dire de la fluidité de ce que le temps nous produit, de ce que le temps nous offre, ça fait partie des merveilles que Michel nous a fait découvrir depuis le début, en fait. Peut-être une réaction aussi en un mot à ce que vous venez d'entendre, Sophie Mancard. Ça va tout à fait dans le sens de ce que je l'entendais élaborer donc dans ces derniers mois et quand il travaillait justement sur la religion et sur la façon dont la religion pouvait être une réponse. L'avait été pour Auguston Comte apparemment, mais c'est évidemment la religion dans un sens assez philosophique forcément. Et voilà, donc ce sera sûrement l'objet de ce prochain livre que nous allons préparer. Alors dites-nous un peu plus, parce que vous me le confiez hors micro, mais effectivement, Michel Serres vous a envoyé un manuscrit quelques jours avant sa disparition. Il l'a envoyé jeudi soir et il est rentré à l'hôpital vendredi matin et il est parti samedi. Donc pour moi, c'est extraordinaire. Et encore samedi, il m'appelait pour me dire « tu fais bien, tu as bien récupéré le... » Voilà. Bon, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a c'est une série d'ouvrages à paraître, c'est un volume, mais ça, il se trouve que nous, depuis un an, nous avons entrepris ensemble de faire le tri de ces archives et je dois dire que c'est colossal. Et que pour l'instant, je rêve de faire les œuvres complètes, que j'en suis à 15 volumes de 1500 pages et que sans appareil critique et que je n'ai pas tout mis encore et qu'il y a probablement entre 5-6 livres encore à paraître que nous avons retrouvés, dont certains qu'il avait oubliés tout simplement. Et il a dit ah oui mais c'est intéressant, voilà, donc il va falloir qu'on se plonge dedans, mais c'est colossal. Cet homme était prodigieux. Moi, je n'ai jamais, je le dis vraiment, j'ai l'occasion de le dire, donc je le dis, j'ai eu la chance de côtoyer des gens extraordinaires par mon métier. Jamais je n'ai rencontré un homme comme celui-là, qui alliait à ce point l'intelligence, la culture et la gentillesse. Vraiment. Écoutez, on va interrompre cette émission là-dessus, parce que ce sera un magnifique mot de la fin. Merci en tout cas énormément à tous les trois d'être venus nous parler, de réécouter ensemble et avec nous ces mots de Michel Serres. Merci beaucoup Sophie Blancard, merci beaucoup Béatrice Salvia, merci également à Roland Cher, merci aux camarades de France Bleu La Rochelle pour le duplex. Je rappelle que vous pouvez trouver bien, en attendant l'intégrale des œuvres de Michel Serres, la plupart de ses ouvrages publiés aux éditions du Pommier, et puis sur France Culture. À partir de lundi prochain, nous rediffuserons également la série À voix nue de Michel Serres en 5 épisodes que vous pouvez retrouver tous les soirs sur l'antenne de France Culture et en podcast ou sur franceculture.fr. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve-Étienne Antoine Beauchamp, Dominique Guette-Saint-Ville-France, Céline Lozen et Néonore Pérez. Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Mèche à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, nous nous demanderons si le temps est venu de mettre à bas les colosses numériques que sont devenus les GAFAM, les géants d'Internet. Ont-ils été trop voraces? L'heure est-elle proche de leur démantèlement? On se pose cette question demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.